les accordes. Capot. Égaré. Ah merci, c'est gentil. Merci Alex. Alors la guitare, j'ai mis un capot d'astre. Thank you. on va la faire propre, hein. On va la faire comme il faut, d'accord? Impeccable la basse. Attends, je vais la faire, hein. Are you ready? Everybody is ready to play Indochine song. Indochine que j'ai vu en concert à Lyon, c'était génial. C'était la première fois que je les voyais en concert. Are you ready? Alors attends, tac, tac. Ok, on y va. Thank you. Voilà, c'était Indochine version Bungie. C'est en combien ça? Oh, il y a du bruit là. 1630. Dommage, je chante très bien aussi. Alex chante très bien aussi. Ben, chante Alex. Maintenant, je voudrais qu'Alex chante. Alex, chante. Vas-y, Alex. Allez, Alex. Mesdames et messieurs, dans quelques instants. Pas mourir. D'accord. Ok. Alors tu peux faire des. D'accord. Je comprends. D'accord. Attends. J'enlève mon effet. Hier, j'ai écouté un gars. Je vais chercher. Je vais regarder si j'ai enregistré. Ça s'appelait. Il s'appelle Jess. Jess. En train de chercher le truc de Jess. C'est un garçon qui s'appelle Jess. Oh merde. Je sais pas comment il est. Deux petits accords, c'est super. Je sais pas si c'est lui. Mais non, merde, je l'ai pas retenu. C'est dommage. Wow. Ça y est, en voit là. Les gars, Fredja, il était un peu fort là. Sexual, oh, on dirait le. Hélé, on a sexual, hélé. Ray Jazz, do you know this song, Sexual Healing? Dom, dom, dom. Oh, on a sexual healing. Sexual healing, on a fun. Bon, mais je trouve plus le machin de Jazz, c'est dommage. Montrer les loops de Jam Tava. Je l'ai perdu. J'ai perdu. Oh, mais c'est bizarre ça. Ah, je l'ai perdu, dommage. On fait comme si. Est-ce que vous voulez jouer une chanson? Chanson triste 82. Une chanson triste. Ah, il est bon le son là. De là. Un peu fort mais. Morceau classique, de musique classique. Attends, putain, je sais pas si tu m'entends. Je t'ai mis le lien là. Plein de fautes. Non, mais c'est pas ça, on doit pas parler de la même chose alors. Le dernier truc que j'ai mis, c'est vous avez joué le. Ah, comment. Le. Pachelbeck. Comment ça s'appelle? Attends, mais je te mets le lien là. Ah, j'arrive pas. Comment on fait pour copier ça? Attends. Ouais. C'est ça? C'est ça qui t'emmerde? Celui-là ou l'autre? Celui-là, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Que j'ai écoutée ce matin et qui m'a fait pleurer encore. Ça doit pas être celui-là, je pense. Enfin, si tu veux, je l'efface. Je m'en fous. Moi, j'adore cette chanson. Je marquais juste que j'avais envie de le jouer. D'ailleurs, j'aimerais bien jouer. je suis en train d'essayer de trouver. Comment on fait? Éditer. Intrigue. Bah, je vais essayer de remonter dans les pages. Sofiane. Ah ouais, Sofiane, c'était bien, Sofiane. Non, mais Sofiane, c'est bon, te casse pas la tête, là. Sofiane, c'était... Benjamin, tu m'entends, là? Non, Sofiane, tu joues pas avec moi. Je l'enlève aussi, j'en ai marre. Je vais enlever mes postes. Ouais, je t'entends, ouais. Oui, ouais. Ouais. Oui, oui, je t'entends. Oui. Oui. Oui. Non, mais je m'en fous de Sofiane, de ce que tu veux. Oh. Action irréversible. Putain. Oui, je t'entends. Il écoute pas, ce mec. Il écoute pas. Oh. Attends, il y a mon micro. Tu entends? Ouais, tu m'entends? Bon, ben voilà. Tu m'affiches pas, voilà. Tu veux écouter des trucs, tu les écoutes chez toi, tranquillement. Allô. Mais t'affiches pas. Ou tu demandes. Voilà. Voilà. C'est la moindre des choses. On appelle ça le savoir-vivre. Oui, voilà. Ouais, bah tu mets solo, tu mets solo. Oui. Tu te mets solo, voilà. Oui. Bah, tu peux couper la musique des autres si tu veux. Oui. Voilà. Mais c'est normal, attends, il y a trop de... C'est bon? C'est clair? Oui. Ouais. Je t'entends. Putain, c'est long. Ouais, t'as l'air fatigué, hein. T'as l'air fatigué comme garçon, hein. Oui. Ouais. Ouais. Bah je te... T'as l'air fatigué. Oui. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Oui. Si tu veux, on reste comme ça, à dire oui, hein, pendant des heures, hein. Pas de problème. Ouais. Bon, je t'ai envoyé un message, tu le lis, d'accord? Et tu médites. Qui parle? Ah. Moi? Oui, moi? Bah oui, je suis fatigué. Mais Karma, si tu veux, je te donne mon téléphone. Tu m'appelles, ce sera plus simple parce que on va pas parler devant tout le monde. Je te donne mon téléphone. T'as entendu mon message le dernier? Tu m'appelles sur mon portable, je te donnerai mon portable, ce sera plus simple. Parce que les gens, bon, ils s'en branlent de notre vie, quoi. Bah, si t'es fatigué, va dormir. D'accord. T'as entendu? Ouais. Non, tu me donnes rien du tout, j'ai pas envie de te téléphoner. Voilà, c'est tout. Alors, t'as entendu? On a cassé l'ambiance. bienvenue sur Ninbot. Avec des nouveaux en fait. Il y a plein de forums. Sur le forum, il y a plein de posts avec tous les nouveaux qui arrivent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent sur Ninbot. Et ça, c'est génial parce que on va pouvoir recréer des liens. Ça, c'est bien. Je te répondrai par mail, Karma. C'est plus simple. Je sais pas, on doit pouvoir faire une recherche sur ce truc. Hein. Je vais envoyer un mail pour comment on fait pour rechercher tous ces posts et je vais demander d'enlever tous mes posts et puis je ferai plus de posts. Ça, j'en ai marre. Alors, fais voir, il est où l'administrateur ? Ah, il y a quoi ? Edition. Je vais envoyer un message. J'envoie un message de contact pour enlever tous mes postes. Désolé pour les autres, hein, pour ma vie privée. J'ai envoyé un message à l'administrateur pour savoir, je sais pas comment on fait, qui m'enlève tous mes postes. Je ne peux très bien le message, il est parti. Je suis en train de parler comme un con, il est parti. Mais j'en veux pas ton truc, hein. Je m'en branle là. Rechercher. Ça marche pas. Salut Didier. Ça s'appelle chanson là. Ça s'appelle comment cette chanson? S'appelle comment Ray Jazz? Your situation, I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just that I'm a dick for your love. Not the only one I'm owed you. I never really should have told you you're my only girl. Not the only one that owe you. I never ever should have told you you're my only bro. Just the friend. I think. Oh, yeah, man. Don't you put your butt in park. Kiss the girl and make them cry. Kiss the girl and make them cry. Kiss the girl and make them cry. C'est pas moi qui vais te dire du mal, c'est pas ma mentalité. Voilà. C'est normal que tu débutes. Tu verras sur Ninbot, t'as des gens qui vont jouer avec toi. T'as des gens qui sont tolérants, t'as des gens qui supportent pas les gens qui jouent mal. T'as tous les états d'âme sur Ninbot, t'as les dépressifs, t'as les gens bien, t'as des gens super, t'as des gens lunatiques. C'est normal, et en plus on est confinés. Alors... T'as des gens qui vont t'aimer, t'as des gens qui vont te détester. Tiens, faudrait essayer de la faire cette chanson là. Attends, ça serait pas mal ça. De la trouver. Trouver la patrie. Però uno sta messo. Mi vedi però? Ah, perché comunque ti devi mettere. Ah, io non mi sono registrato ancora con strumenti. Rayer la carte, come les autres. Comme les fils, les bilos, tout ça, terminé. Allez hop, poubelle. Pas se faire chier, la vie est trop courte pour se faire chier avec des gens encore. Thank you. I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. Love the only one I told you, I never should have told you, you're my only girl. Love the only one I told you, never ever should have told you. never only wanna own you. I never should have told you you're my only bird. Just think I know, I know you. It's long for me to owe you. Jazz. J'espère que je vais me faire des nouveaux amis sur Dinbot, quitte à en perdre certains. Dommage pour eux. Bye bye.